بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس الثالث. Troisième leçon. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب يقول كوين ثلاث جمل تشمل على ما يلي إن لم ولكن ما قولك يعني دو فراز دون يا إن لم إي ولكن ما قولك يعني إن لم ça se traduirait par ce serait une condition avec une négation donc إن لم تفعل هذا c'est si tu ne fais pas cela. Il n'aime pas faire le hasard, Marna, si tu ne fais pas cela. Akada. Aindek? Ah ouais, j'ai pas pour la chose. Il n'aime pas faire le hasard. Non. Parce que il l'aime et il n'aime pas faire le hasard pour la kimli. Mais t'as cool. Ça? D'ailleurs. Ah. J'avais fait une phrase de trois lignes. Ah, non. Mais trois phrases. Allez, je te donne une. Il n'aime pas prendre le nisfikis, d'accord? Aïd? Il n'aime pas prendre le nisfikis, d'accord? Il n'y a pas d'aller follem. Il n'aime pas prendre le nisfikis. Nisfikis? Il n'y a pas d'aller follem. Il n'y a pas d'aller follem. Il n'y a pas d'aller follem. خذ الباقي فأخذ الباقي فأخذ الباقي parce que là après une jumla shartiya avec in si le jawab il vient avec un fi'l amr ou avec un nafi ou avec un talab ou avec certaines choses tu dois mettre un fa. Ça c'est un truc qui viendra dans le kutub de nahou, faut que tu mettes un fa. كفي قولي تعالى وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. Faut que tu mettes la réponse جواب الشرط يأتي ب فاء. هذه قاعدة ستأتي إن شاء الله في كتب أخرى. Donc c'est elle. Sinon toi tu dis tout simplement إن لم تأخذ نصف كيس دقيق أخذه أنا. مثلا. Si je le prends pas toi, je le prends moi. Là il n'y a pas besoin de faire. Parce que là c'est venu directement avec un verbe. C'est Jérôme Charles de In. Mais si jamais tu veux autre chose, il y a 7 choses, je crois, ou 9, je ne m'en rappelle plus, il faut que tu commences la phrase par Fa. Fa, Kada. Voyez. Tfadol. In lem tu salli, t'astahq al-adab. Ta. T'astahq al-adab. In lem t'ashtahid fi talab al-ilm. La. لا تكتسب كثير لا تكتسب بروفيتي لا تستفيد لا تسأل كثير و ولكن ما قولك ولكن ما قولك ما قولك في هذه المسألة مثلا ولكن ما قولك على تعليق الكتاب جد ولكن ما قولك ولكن ما قولك على ال على تكثير على تكثير الأخذ الدروس يعني ما أقولك في الإكثار من الدروس. كل الإكثار من الدروس أحسن. طيب تدريب التاسع. أكمل الجمل الآتية من عندك. يعني maintenant tu vas faire trouver d'improviser de mettre des mots qui comblent les trous de toi-même. عاث صديقي فقير حينما شاهده شاهده. نعم يعني ما معنى الجملة؟ L'ami a aidé son... Mon ami. Mon ami a aidé le pauvre et j'étais témoin. Là. Aasa sadiqi al-faqir, comme on dit, hinama shahidahu. Que mon ami a aidé le pauvre. Lorsqu'il l'a vu. C'est le sens. Deuxièmement, l'ukhuwa al-haqiqiyya hiya l'islam. Fi l'islam. Hadi hiya fi l'islam. Non. طيب لو غير فطنته هي تون الإسلام. ثالثا من كسى عاريا في الدنيا له أجر. من ف فله أجر. Parce que la man c'est un اسم شرط, c'est une condition pareille, c'est comme le id de tout à l'heure. Ah, et là comme tu n'as pas répondu avec une phrase fi'liya avec un fi'l majzoum. Là, on a répondu par une jumla ismiya ou milfa. Man kasa aariyan fi dunya farahu ajrun. Rabi'an. Inna mashaghil al-hayati la. La tantahi. J'écris la tantahi. Naam. Tayyib. Certes, les occupations de la vie ne s'arrêtent pas. خامسا الدنيا فانية ولكن الآخرة باقية. نعم يعني الدنيا est éphémère cependant l'au-delà dure demeure. سادسا من ينفق يعيش. pas saisi la phrase comme ça. Celui qui dépense kaza kaza kaza vit. C'est le dernier aussi. يعيش. من عشر يعيشوا vivre. Ah, il y a deux faux. Ah, خلاص. من ينفق في سبيل الله يعيش حياة طيبة. Voilà, il y a des points derrière. Non, pas de point derrière. Avec une abaisse. نعم ceux qui dépensent sa billa et une bonne vie ولو ما يشعر même si ça rend pas compte. Oui parce que là il dit je dépense et j'ai que des problèmes. هذا يدل على عدم الاحتساب في العمل ولعله يعيش معيشة طيبة لكن ما يشعر parce qu'il n'est pas content. Il trouve il a tout ce qu'il lui faut mais il en veut plus. Il dit non je suis nul, j'ai rien, kaza kaza, j'ai tout dépensé et regarde j'ai plus rien. Je dis, ah non ça monte peut-être tout le temps par contre. Et c'est lorsque tu auras plus, tu vas te rendre compte de ce que tu avais. Maradouf. C'est quand les nirma, on les a plus, qu'on se rend compte de ce qu'on avait. Malheureusement, la kadal insan. Tadrib ashir. Oktub salas jumalin mukammilan biha ma ya'ti. Tayyib, trois phrases qui complètent ce qui est cité ici. Yakul da'a Othmanu sadiqahu Ahmada ila walimatin fi dari. Que Othman a invité son ami Ahmed à un repas. Walima, c'est pas seulement pour un zawaj. Parce que les gens croient que le mot walima, c'est que pour un zawaj. Parce qu'il y a un mariage, walima. Walima, c'est une invitation à manger. Aussi. Oh, fidari. Mais le marlouf, c'est ça, c'est le marlouf, c'est walima, c'est le repas du mariage, tu vois. De toute façon, c'est simple, quand t'as un mot, a dit qu'aïda, quand t'as un mot, qui vient dans un texte, peut-être pas là, mais dans un texte, dans un hadith, dans une ayah ou quoi, le mot, il peut avoir trois sens. Il aura le sens shal'i, par rapport à la législation. Il aura le sens lorawi, par rapport à la langue. Il aura le sens orfi, par rapport aux coutumes des gens. Tant que t'as pas d'indice qui t'indique l'un des trois, tu fais prédominer le shal'i en premier. Tu prends le sens shal'i. Et si t'as un truc qui te prouve que le sens qui évolue, c'est le sens littéraire, alors tu prends le sens littéraire. Mais si jamais t'as un indice qui te démontre ou une preuve que le sens voulu, c'est le sens des coutumes, alors tu le prédomines le sens des coutumes. Mais à la base, tu commences par le shal'i. Quand t'as un texte, par exemple, il y a un mot, tu dis, mais est-ce que ce mot-là, c'est shal'an, c'est stilahan, ou c'est urfan, je sais pas. Tu prends le shal'i en premier. À casa. Mais là, c'est pas un, non, là, c'est pas un ayah, là, c'est pas un hadith. Voilà, voilà. Tu les écris des phrases? Ouais. Ayah? Le troisième, c'est Wafiyoum Tali. Tu l'as ça? Oui. Qabila Ahmedou. Ah, ça, attends, je te dis autre chose. Qabila Ahmedou Ad-Da'wa. Que Ahmed a accepté l'invitation. Wafiyoum Thani Zahaba, il est Dar Othman. Et le deuxième jour, il est parti avec Othman. Ça, c'est peut-être pour Walima, en fait. Khaïn, Inch'Allah. تفضل كمل. طلع إلى الدور الثاني. سلاح خاص. ودق الباب ودخل في غرفة الديون. أيوة الخامس يبقى. ودق الباب. أيوة. سديسة. أو لف على الباب. ودخل في غرفة الديون. لتو. T'as été vrai, dis-moi. Non, ce que t'as dit, c'est correct, tu vois, mais bon. Eux, ils t'ont décrit trois situations à des moments différents. Toi, t'as fait trois phrases en un seul instant. L'espace d'une minute, c'est la fin d'une minute. D'accord. Monte au deuxième étage, je rappelle la porte, il est rentré. Vas-y, Ren, vas-y. Attendez, bel hadi achar, onzième. Oktub salaf yumel, nihayatuha kamayali. Là, c'est le contraire. Il te donne deux phrases et c'est à toi de trouver le début. Qal, fil akhir, shakarahu al-husn diyafati. C'est-à-dire, il a remercié pour son hospitalité, sa bonne invitation. Wa wadda'ahu wa ansaraf. Et il lui fit ses au revoir et s'en alla. Al-an alayka bil bidaya. Donne le début de cette histoire. دخل السالون ورأى مجموعة كاسين كثيرة وأكل الطعام بأنواع مختلفة. عد الجملة الأولى. دخل في السالون. طلع غرفة ضيوف. سالون ما هو عربي هذا. سالون سي با مو عرب. غرفة الضيوف. كي؟ لا on parle de l'ami d'Othman. Faut préciser parce qu'eux ils n'ont pas dit que c'est la même histoire. Ah, je sais pas. Eh ouais. Ils l'ont pas dit, ils ont juste dit, maintenant, dans la, tu vois, trois, deux phrases, attends de trouver le début. Parce que tu veux te bloquer, là, avec ton tafkir dans le bain. Si tu veux faire une suite, là, dans le bain, tu veux te bloquer. Là. Ah, je crois que c'était la même histoire. Hein. Non. Pareil. Là. Parce que comme je dis, le bain te prouve que c'est pas la même histoire. Quand tu vas voir la partie bain, là, la dernière phrase, tu vas dire, mais c'est une autre histoire. Ah, je crois que c'était pareil. Hein. Ou c'est à toi de préciser alors. Parce que comme il parlait aussi de la part. En fait, ça, Mathalène, ça aurait été une bonne chose, ce style-là que tu mets dans l'autre là. Inch'Allah, vas-y. Donc, donne des noms. دخل صدق صادق دخل صادق عثمان في غرفة الضيوف نعم ورأى مجموعة كثيرة هو رأى إيش مجموعة في كل حركات هذا مجموعة نعم كثيرة وأكل وأكل طعاما بأنواع مختلفة نعم شكروا لحسن ضيافته وودعوا وانصرفوا طيب الباء لا لا هذا فاصل شكره على نصيحتي الغالية المفيدة qui lui remercia pour sa riche et profitable nasiha, ni conseil quoi. Ok, qu'est-ce que t'as Non, non, après, j'ai, quand, après ouais, je sais quand j'ai fait ça, j'avais pas vu la dernière phrase. Et donc, en fait, j'ai, quand ils sont séparés, j'ai continué l'histoire comme si. Vas-y, dis, dis. Mais il fallait pas compter ça. Ça n'a plus rien à voir avec ce cas-là. T'as fait du hors-piste. Ouais, hors-piste. Mm. Quand on fait du hors-piste, on se prend des sapes, hein, souvent. Faut faire attention. Il n'y a pas de sapes. C'est vrai, des sapins ou des crevasses, ça fait attention, c'est dangereux leur piste. Et là, t'as pris un sapin, là, justement. Ouais. Fais le end to read, improvise, vas-y. Deux, trois phrases, dont la conclusion serait il l'a remercié pour son précieux, on va dire, et fort conseil. Un mot fut profitable. Improvise. Bardel Wadud. Ou regarde celui-là, je te laisse pour demain. Inch'Allah. Trib, Aza. Non, non, c'est le Bardel Salaf. Bardel Salaf. Al-Jumu'a. Sahibin. Tanawalu Sahib Al-Uthman. Anil Tadkira Til. لا تو برمي لي بون فيرب عن ماذا التحدث الاحسن تكتب بتاني في البيت 3 فراز comme ça tu vas bien les préparer voyez vu 3 فراز باذن الله تمام طيب التدريب الثاني عشر 12 اكتب 5 جمل مكملا بما ياتي c'est comme l'autre là rajouter 5 phrases qui complète l'histoire qui suit. Inna ad-dina al-islamiyya yuwaddihu lin-nasi al-hayat al-ijtima'iyya al-sahiha. Que certes la religion islamique éclaircit aux gens la vraie vie en société, en groupe, en civilisation. Thaniyan wa yukhti al-ladhina yadhunnuna annahu la'ilaqa lil-islam bil-ulum al-haditha. Et que celui qui pense que se trompe celui qui pense qu'il n'y a pas de lien entre l'islam et les sciences modernes. J'ai écrit min a'zam donc celui qui pense ça là min a'zam al-sabab al-jahl. Naam. Thumma. Tout est faux. Je dois tout gommer. Eh bien, si tout est faux, on va le rajouter à l'autre. L'Iran. Vous voyez, celui-là, on va rajouter à l'autre. Parce que ça, ça a besoin de, t'as besoin de réfléchir un petit peu. Pour faire des jumelles, il y a des phrases propres. Donc, celui-là, on va le rajouter pour demain, inch'Allah. Ama sahih, ana lazine zunna, ana ou lisa, ilaqa, ben al-islam ou l'ulum al-haditha, il se trompe. Cependant, c'est ulum al-haditha, c'est pas non plus on fait n'importe quoi pour les avoir. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui les gens, ils veulent faire développer les sociétés islamiques, leur moderne, c'est une bonne chose. Seulement, il y a des conditions. Déjà, premièrement, que ce soit pour faire avancer l'islam, et non pas pour que ce soit un esprit de nationaliste, genre nous, on est le meilleur pays, on est les meilleures sociétés, cela. C'est pour la maslaha des muslimines, en moment. Et deuxièmement, faut pas que ces ulum, le haditha t'emmène à tomber dans des mukhalafat. Tu te mets à imiter les koufars pour faire ce qu'il veut, tu vois. Par exemple, je ne sais pas moi, regarde les hôpitaux. Il faut des hôpitaux modernes, équipés. Tu vois ? Est-ce que ça veut dire maintenant on doit faire comme les koufars, s'habiller comme eux, mettre les blouses comme eux, mettre tout ce qu'ils font ? Non. Regarde l'armée par exemple. Tu regardes les armées, les pays d'islam, neuf sachets. Tu regardes l'armée aujourd'hui, ils sont tous avec le béret, ils font tous le signe de la main, ils tapent du pied, ils marchent. Qui c'est qui va te faire ça ? Fais une armée, vraiment faire coup de. Alors cinéma que ça sert à rien là. Ils marchent, ils tapent du pied par terre, tu tapes du pied par terre comme eux. Ça sert à quoi ? C'est ta force, c'est tes forts, là, c'est pas besoin de faire tout ce cirque. Mettre un treillis comme eux, mettre des galons comme eux, des étoiles comme eux. Les musulmans, ils ont une identité. Ils sont obligés de couper les koufars, tout ce qu'ils font. Regarde, là, tu vois les images là, des militaires. Tous comme ça, avec la main là, sur la tête. Ça sert à quoi, ça ? Où t'as pris ça ? Où ils marchent en troupe comme ça, avec leurs pas là ? Ça sert à quoi, ça ? Tu fais peur à qui en tapant du pied ? Tu fais peur à personne. Al-Qua min Allah, la hala ou la quwata illa billah. Va avec ton pied par terre. Et résultat, aujourd'hui, les armées des pays d'islam, elles sont comment ? Elles sont derrière. Il faut le dire. Tout ça pourquoi ? À cause de ça, justement. Cette faiblesse qu'ils imitent tout le temps les koufars dans tout, ils voient les koufars comme étant devant eux. Donc, résultat, ben, ils imitent. Et ils sont inférieurs à eux. J'entends en plein, ils disent ouais, on est en retard, tout ce qu'on achète, on achète des koufars, il y en a marre. Dès que c'est des voitures, on n'a pas de voiture à nous, on n'a rien, on n'a rien. Ben ouais, mais déjà commence-toi à faire ton din chez toi. Et là, Allah, yaftah alayk fima ba'd. Et même toi, tu fais des étapes. Tu laisses le din directement au sens moderne. Ah ben tu vas chuter. Comme on dit, tu fais du hors-piste, tu prends un sapin. Ça loupe pas, ça. Et ça, les muslims ne comprennent pas que la base de toute chose, c'est leur din en premier. Votre din en premier. C'est là qu'elle a besoin de la koua. Ils ne veulent pas comprendre. Tu vois ? Je viens, je veux être docteur, donc je me mets en costard et je retourne les salawat le soir. Pour faire les études pour être un bon tabib. Ben, toi, t'as pas compris. Et même tu viens d'un vrai tabib pour de vrai, toi, plein de choubouhat. Tu vas avoir un hadith, c'est-à-dire le hadith là, comme le hadith de la mouche. Hadith d'Abi Huraira. Que s'il y a une mouche qui tombe dans le verre, tu la noies, parce que dans l'une des ailes il y a un poison, dans l'autre il y a le remède. Ben, on a combien de docteurs qui viennent critiquer ce hadith ? Comme il l'a appris de quelques sciences, il croit que le hadith, il va le. On dit ça, c'est min ulum al-ghaib. Parmi les choses de l'invisible. Et fi kitabi yaqulullah subhanahu wa ta'ala, vous avez quelques kitab d'Arabi Bafi, hudan al-muttaqin, alladhina yu'minuna bil-ghaib. Parmi les sifats du mu'min, ils croient en l'invisible. C'est pas, ils sont acres, ils passent devant tout. J'ai appris un livre de médecine, ça y est, j'ai tout compris. Non, t'as pas compris. Allah, s'il veut demain, il fait que. Tu vois, tout ce que t'as appris, c'est complètement à l'envers. Prends les hadiths. Non, une mouche, comment une mouche ? J'ai une mouche microscope, j'ai rien vu dedans. Ah bah, t'as rien vu, Parce qu'Allah, il veut pas que tu vois, il veut que tu crois. Et il veut pas croire. Donc après, tu vois. Parce qu'à la base, ils ont pas eu une bonne akhida, ces gens-là. Ils ont commencé direct médecine. Bah, avant, déjà, apprends ton tawhid, ta akhida et. Ou en même temps les deux. Et ta médecine, tu l'as fait derrière, m'afficher. Ah, mais direct la médecine, tu vas avoir des catastrophes. C'est pour ça qu'on a très peu aussi, il faut le dire, de tabib salafi. Malheureusement, la plupart, c'est des ikhwan ou des. Tu vois. Déjà, sur le fond, on a tenu. Nous, on a besoin. Voilà, là, tu verras dans le kit là, de Koran et Fikriya, dans la règle, la hukm al-maqasid. Que les moyens prennent le jugement des objectifs, tu vois qu'à la fin, il parle justement de ça. Même dans les Wujub Kifaya ou Wajib Ayn, il dit que non, des sens modernes sont obligatoires pour nous. D'apprendre à fabriquer des choses, tu vois, les usines, tout ça, c'est une obligation commune pour les gens de l'islam. Il le dit. Parce que tu vois, tu mets une yad ibad quand tu fais ça. Même si tu n'as pas un texte qui dit faites des voitures, faites des avions, faites ceci, cela, on n'a pas de texte. Mais à la base, nous aussi, wa'idou l'homme s'attendu une koua. Tu vois ? Donc le verset lui-même te dit quoi ? Prépare leur effort. Donc ça rentre dedans. Tout truc, mais, tu vois ? Et ça, tu fais comment ? Par d'abord ton dîne. Tout ça, là, qui donne la force. Tu peux avoir tout ce que tu veux comme équipement militaire. Si elle n'est pas avec toi, avec une armée de mouches, tu es tombé. Une armée de mouches, il fait tomber toute ton armée là. Tes tanks, tes machins, tes mortiers, tes avions, tes porte-avions, des mouches, il te les fait tomber. Avec les choses les plus viles à tes yeux, il te les fait tomber, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les gens, ils ne veulent pas comprendre. Alors, Moustah, Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Talab al-Rim, wa al-Amel bima, ta'alamna. Tadrib, et Thalith Achar. Ajib anil Aati. Donc, très bonne question suivante. متى تذهب لأداء صلاة الجمعة؟ Quand vas-tu accomplir la salat du mois? أنا أذهب لصلاة الجمعة مبكرا. طيب دي أذهبوا لأدائها مبكرا. أذهبوا لأدائها مبكرا. مبنية على ماذا؟ Pourquoi tu vas مبكرا؟ ها؟ Là, c'est une question que je te pose, moi. C'est pas ton kitab. Liège, t'as vu mon bakkeran ? C'est la deuxième question ? Non, t'as pas compris. Ah, tiens, ça. J'avais pas vu mon fils. Toi, vas-y, réponds. Ça tombe bien. J'avais pas vu que c'était une question. Allez, voilà, dis-moi, t'as vu mon bakkeran ? Il faut les avocats. T'as vu mon bakkeran ? في حديث ايوه كل حديث سنتي ديال بروميير كانوا كربا ابل والثاني كانوا كربا بقره هسيت في جسكا البيضاء خمس جسكا البيضاء نعم وقت تجي الاجر طيب احسنت ثالثا لماذا تستمع الى خطبه الجمعه جيدا أنا أستمع الخطبة جيدا. إلى. لا، en fait toi là, faut pas que tu fasses l'erreur de faire une répétition. Faut que tu mettes un damir qui revient et خطبة. أستمع إليها. Et après tu, sinon ça fait répétition, ça fait lourd. Comment en français? Quand on dit pourquoi tu rentres dans la maison? Je rentre de la maison parce que non. Dis je rentre dedans parce que kada kada kada. Assalam. Ent? Aza. Nam. Fadl. أستمع إليها. لاستفادة الفوائد. الاستفادة فقط. كنت الاستفادة سأقوم بالفوائد. الاستفادة. بشرط أن يكون الخطيب سلفي. يتكلم بالأدلة. ما هو ديك سي با سلفي باغ إكزومبل دوما. تي دون خطبة لا تعرف أختا أو شي با تي كونس دون أن كارتي. يا مسجد سي لور دو لا خطبة جمعة. إي سان تابليغ الإمام. مي سا خطبة إلي فغي سكي ديت نو. تو إيكوتي. Tu vois, il parle de trucs sahih avec des adillah et tout. Parce que c'est pas tout ce que le Moutadi a dit, c'est tout pas faux. Des fois, il dit des choses qui sont vraies. Même si on sait, ça nie, on la connaît pas, tu vois, mais en apparence, il peut dire par exemple, il vient, il nous rebosse sur le wujub as-salah. Avec des adillah. Tu dis, je dis, c'est un tablier, j'écoute pas. C'est vrai que t'as peur ce qu'il va dire, tu dis, qu'est-ce qu'il va me dire à lui. Tu fais attention, mais s'il a dit le haq, tu dis, ouais, il a dit le haq, tu vois. Donc, Bichot, il parle d'un sujet sahih, tu vois, il parle bien. Parce que des fois, t'as pas de salafi sous la main. Par contre, si tu dis du baratil, tu le coupes plus. Et Chan Mobile, tu peux même faire des zikr pendant qu'ils sont baratil. Si tu parles à Bida, un truc comme ça, pendant la khutbah, tu fais des zikr. Tasbih et tout. Par exemple, ils montent sur le minbar, ils disent il faut voter, c'est votre droit de musulman en France. Votez, mes frères, mes sœurs, c'est un péché de ne pas voter. Revendiquez vos droits. Lui, tu n'écoutes pas celui-là. Et mais beaucoup de, en France, c'est comme ça. Apparemment, ce que les frères disent, le minbar, c'est devenu une campagne politique maintenant. Je moi, c'est chacun monte et il revendique. Voilà quoi. Parce que le maire, il est venu la veille, il a dit votez pour moi, je vais faire des mosquées, je vais vous aider, on va faire des boucheries halal pour vous. On va faire. Oui, monsieur le maire, le lendemain, il vient, allez, grosse route de bain violente. Votez pour monsieur de la forêt, c'est lui le meilleur, il est dans le rang musulman, il nous aime, il aime l'islam. Oui, c'est un mécréant, mais bon, il faut faire des doras pour lui, car là, le guide à l'islam, c'est quelqu'un de bien et tout. Et après, il déchire les salafis. Il fait l'éloge du maire et il déchire les salafis. Je ne dis pas là qu'on va faire. Et lui, il utilise les sciences modernes, justement, celui-là. Ouais, c'est ça. Par exemple, la politique n'est pas chalaïa. Ça, c'est voilà, le genre de personne. Il n'a pas appris à arquer son manège, mais il veut faire avancer les musulmans, comme il dit. Et bien, il va faire du hors-piste. Et il va se prendre une crevasse. Et ça, en général. Il n'a pas compris. Il a peut-être une bonne nia, mais comme on dit, la nia suffit. Parce que si tu fais du hors-piste, c'est dangereux. Tu ne prends pas le chemin légiféré, c'est dangereux. C'est très dangereux. رابعا عن أي شيء يتكلم الإمام في خطبته. De quelle chose parle l'imam dans sa khutba? Allez, oublie ce que je viens de dire. Parle de quelqu'un de bien. Une bonne khutba. Ah ouais, تكلم الإمام في خطبته على أمر المعروف ونهي عن المنكر. Là, t'as vu, t'as refait l'erreur. تكلم. Pas besoin de dire l'imam là. Là, il y a Damir Moustatir. Takallama, fiha, pour ne pas redire fi khutbat jumu'a, fiha, an, et après tu dis la chose. Takallama fiha, an il amri bi ma'ruf wa nahi anil munkar. Pas mal. هل تقوم بأداء ما تدعو إليه الخطبة؟ Est-ce que tu appliques ce qu'on appelle cette khutbah? نعم إن شاء الله. قل نعم إن شاء الله. Parce que tu ne le fais pas. Parce qu'on le fait, parce qu'on le fait pas. Donc نعم إن شاء الله. نعم. Ah, العمل يا أخي c'est dur. طيب ثالثا رسالة المسجد هامة جدا وقد كان المسجد مكانا للعبادة ومكانا تناقش فيه أمور الحياة وضح لك وضح ذلك وضح ذلك qui dit que le message de la mosquée est très important et que la mosquée était un lieu pour l'adoration et un lieu dans lequel étaient débattus les points touchant à la vie. Éclaircis cela. Bah, c'est un peu long ça. Tu l'as fait ? Non, je l'avais pas compris comme... je n'avais pas compris comme ça la phrase. Toi, maintenant que tu l'as comprise ? Mm. Ben, on va la rajouter pour demain, Kadha Alik. On a un truc court, hein. Je te demande pas de dissertation. Non, non, vite fait. T'as vu, un truc simple, posé, tu vois. Non. التدريب العربي عشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات لخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يستغل منه يغتسل منه كل يوم خمس مرات. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que l'exemple des cinq salawats c'est comme l'exemple d'un fleuve qui coule devant la porte de chacun d'entre vous dans lequel il se lave chaque jour cinq fois. يقول ماذا تشبه الصلوات الخمس؟ أكوا غصم لسان صلوات. كمثل النجار. آه. كمثل نهر الجار. نهر الجار. نهر. Pas compris. نهر. C'est un fleuve. جار. C'est qui coule. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est جاري. Mais comme il y a. C'est un akira. Ils ont enlevé le ya. تخفيفا. في أي شيء تشبهه؟ En quoi se ressemble-t-il? Se ressemble-t-elle plutôt? Je pense qu'il veut dire le salawat et le fleuve. Tu poses la même question que la première? Ouais. Je pense que pareil. Même moi, je vois pas trop la différence entre la première et la deuxième question. Inch'Allah, je laisse la celle-là. ثالثا ماذا تفعل إذا كان أمام بيتك نهر جار؟ Que fais-tu si devant ta porte tu as un fleuve qui coule. Je sais ce que tu vas faire. Si l'eau elle est chaude, je sais ce que tu vas faire. Tu vas seulement ouvrir le premier étage, si t'en as un. Tu vas dire Bismillah et tu vas te jeter dedans. Quand on est tellement privé de ce genre de plaisir, que le jour où on peut le faire, eh ben on le fait. Un peu de natation, un peu de plaisir. Hein? Attention, fais pas comme certains là, on les voit là, une fois on leur montre une vidéo là. Encore un égaré de France qui veut montrer aux gens qu'on peut s'amuser. Tu vois? Qui a fait une vidéo, il plonge des montagnes, des falaises et tout, tu vois, avec son yacht, avec ses copains. Tu vois, on dirait presque un club de rap, tu vois. Pour dire qu'on est ça, on peut s'amuser. Donc c'est parti plus loin encore. Ouais, on peut s'amuser dans l'islam. T'es pas obligé de faire une vidéo, tu te filmes comme ça, tu plonges des falaises pour montrer aux gens, tu vois. C'est pas la peine. Parce que l'amusement en islam, il est permis tant qu'il y a pas des limites. Il y a des limites. C'est pas tu t'amuses au point d'en oublier les écrits. Tu vois. Et c'est pas non plus t'appelles les gens à ça. Un Nabi Salam, il n'appelle pas les gens à s'amuser. À part pendant les ariels, ce genre de choses. Et voilà quoi. Ou d'autres qui vont, comme il disait, je sais pas si t'as pas le nom qui sort, c'était quoi? C'est pas qu'il faisait des voyages au ski. Et il disait quoi comme slogan, tant que je me rappelle, ça m'avait choqué d'ailleurs. Dans le premier Hissar, il y avait écrit quoi? Attends. Des franches rigolades sur les pistes la journée et des rappels religieux le soir. Tu vois, tout dans le style disait. C'est-à-dire, la journée on oublie Allah et le soir on fait rappel. Masha'Allah. Un frère, tu imagines un frère comme ça en bas, tout chousse. Sur une piste, ils vont faire du hors-piste, ça se trouve. Tu vois un peu, mon frère, à quel niveau sont arrivés. Et après, ils te disent, on appelle à l'islam. Je sais bien, Nabi Sallam, je sais pas de qui t'as appris ça, mais c'est pas de lui. T'as appris à faire du ski. Donc, ce Nahar, ce fleuve, s'il est devant ta porte, qu'est-ce que tu fais? Tasbahou. Tu vas nager. La baisse, un petit plongeon du premier étage. La baisse. C'est pour le petit plaisir, tu vois. C'est profond. Et qu'il n'y a pas de pierre. Non. Un hamchi, si tu te laves avec. Et que l'eau n'est pas trop froide non plus. Tu vois, non. Mais quand vous avez le seil, à deux mètres, rappelle-toi. Moi, j'ai pas été, mais des frères, machallah, ils y allaient. Bon, ils ont fait se noyer. Il y en a Jamel, il m'a raconté qu'à un moment, ils ont failli passer, comme ça. Allah Moustan, Allah, on était trop bien là-bas. Même si on était le dunya, tu vois, franchement, on était bien. قدر الله ما شاء فعل. رابعا ماذا تستفيد من الصلاة بجانب النظافة que tu fais profiter la salade par rapport à la propreté. Je vais t'aider. إن الحسنات يذهبن السيئات. Il est bonne version. Non, mais il te demande c'est quoi par rapport à la propreté. En quoi tu profites des salawat? Ah, ijaza salat. La mawah. Il veut dire qu'en fait la salade te nettoie de tes péchés, tout comme ce fleuve te nettoierait de tes saletés. Ah. Aimt? Non. Comme dans l'eau d'eau, chaque fois que tu fais l'eau d'eau, comme dans le hadith c'est venu, que t'as tout ce que tu as fait avec ta main, ça part avec l'eau. Ce que tu as regardé par avec l'eau, ce que tu as dit, ça part avec l'eau, ainsi de suite. Les petits péchés, bien sûr. Par les gros. Hazza. Quand le Nabi Salam a voulu comparer justement cette salate, salawat, avec le fleuve, pour dire que celui qui se lave 5 fois par jour, il sera tout le temps propre. Donc celui qui se lave 5 salates par jour, comme il faut, avec les cholotes et tout, eh ben, il n'aura pas beaucoup de péchés. Des petits, parmi les petits. Bi'idnillah. Wana salah, tanha anil fasha wal munkar. Wala zikrullahu akbar. La salade, elle empêche des turpitudes, nos perversions, au blâmable. Pour celui qui l'a fait bien, avec l'ikhlas, avec le sunnah. Tadalib al-Khamis Hachar. Tu l'avais celui-là? Ce qui m'a l'air. La khali yahada, laisse-le celui-là. Khamis Hachar, laisse-le. On va passer directement au Sadi Sachar, 16e. Oktub fima la yaqil an 10 astur mawdu'an an as-salah wa fawaidiha. Ista'in fi kitabatika mimma yali. Donc il dit, tu écris un texte qui au minimum fasse 10 lignes, pas moins de 10 lignes, dans lequel tu cites les fawaid de la salah. Donc je dis, maintenant tu t'aides de ce qui va suivre. As-salat ibadah, c'est une adoration. Fis-salati masawatun bayna al-muslimin, qui est une égalité entre les musulmans. As-salat tahara, as-salat une purification. As-salat riyada, yani as-salat c'est une, je vais dire, gymnastique par rapport au geste. Lakin azun adil ibara muntaqada. Fis-salati hudun lil-nafs, que la salat apaise l'âme. Wudu, c'est du calme, l'apaisement. Fis salat ou khouwa, que dans la salat, il y a la fraternité. Wa ayat karima wa ahadith nabawiya tahoussou wa la salat fil masjid. Et des versets ainsi que des ahadith prophétiques qui incitent, qui poussent et encouragent à faire la salat au masjid. Une petite dissertation qu'ils sont capables de faire. En pas moins de 10 lignes. Pas moins de 10 lignes. Là, t'as compris là? Pourquoi Maksoud? Dans ce tâté, tu te sens. Tout de suite là? Non, tu fais à la maison, pas mal. T'as pas le temps là tout de suite. Un petit texte qui ne soit pas moins de 10 lignes dans lequel tu dis ces choses là. Par exemple, chaque point, comme ça, c'est ça le but. ça le but. Mais chaque point cité là, tu t'en sers pour citer une phrase qui soit en relation avec. Voilà. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا والحمد لله رب العالمين مع تحية دمام أفاف.com